Sonne bradé bordant de chair, le corps percé de sang, qu'est-il encore arrivé? Qu'est-il encore arrivé? De pleurer. Beep, pop, boop, out of the beam. Beep, out of the beam.